Pourtant, pourtant, qu'est-ce que c'est que cette anémie? Voyons, confiez vos chagrins à votre vieil ami. Vraiment, vraiment. Ah, je me tourne vers la mer, les éléments, et tout ce qui n'a plus que les noirs grognements. Oh, que c'est sacré, et qu'il y faut de grandes veillées. Pauvre, pauvre, sous couleur d'attrait. Et nous, ivres, ivres, avant qu'émerveillés, qu'émerveillés, et à genoux. Et voyez comme on tremble, au premier grand soir, que tout pousse au désespoir d'en mourir ensemble. Ô merveille, qu'on n'a su que cacher, si pauvre et si brûlante et si martyre, et qu'on n'ose toucher qu'à l'aveugle, en divin délire. Ô merveille, reste cachée, idéale violette, l'univers te veille, les générations de planètes te têtent, de funérailles en relevailles.